l'amour. C'est le sentiment le plus doux, le plus fort, le plus sublime. Oui, c'est un trésor merveilleux qui transforme celui ou celle qui le possède. Il n'est ni or, ni argent. Rien n'est à son égal. Car son origine n'est pas terrestre. C'est une don du ciel. Et la paix, la joie, son dévouement, son immortalité font de lui quelque chose d'irremplaçable. Alors n'hésitons pas. Offrons-nous à tous afin que notre monde sois plus heureux. Oui, plus heureux.